Prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance au coureur! Bonjour et bienvenue à une autre édition de La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à ses fous depuis les 7 derniers jours. Mon nom est Mathieu Plante et cette semaine, du côté francophone, grosse surprise, on a reçu plein de choses. Entre autres, Zurung, Trou Noir, Peter Paul, un groupe de rock, Moussette reste en lumière, Polype, Plasticine, Bivouac, enfin, un peu de Charles Aznavour, quand même, et... On commence cette semaine par Nast, avec un album qui s'appelle Antichambre. Voici la pièce Je te cherche, et on parle de ce groupe au retour à la chance au coureur. Je te cherche. Écoutez la musique de demain, aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Nast, avec un nouvel album qui se nomme Antichambre. On vient d'entendre les deux pièces Mauvais Garçon et Je te cherche au début. Nast, qui est un groupe de Joinville-le-Pont en France. Et puis, ils sont sur le myspace.com/les Nast, L-E-S-N-A-A-S-T. Wow! Ou encore, ben voilà, c'est la probable adresse, mais passez par le unechance.com si vous voulez voir tous les liens des artistes de cette semaine, le www.unechance.com. Et donc, bienvenue à vous, à La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales. Je suis Mathieu Plante. Vous avez remarqué que Anaëlle n'est pas avec nous cette semaine. Elle est partie voir sa famille à l'île de la Réunion pour la semaine de relâche. Donc, on s'ennuie d'elle, mais on va la revoir la semaine prochaine. Nast, très bon groupe. Passons au suivant un petit peu comme ça. Allons-y dans le francophone encore parce que c'est ce qu'on fait pendant la première heure de l'émission. Ce qu'on s'en va entendre, c'est Zurong, l'album Trou Noir. Puis on va entendre la pièce titre directement sur l'album. Et voilà, l'isolement est la première partie de l'album. L'album a l'air d'être séparé en trois. L'isolement, pause et le réveil. Tout de suite, voici Trou Noir à la chance au coureur. place troublant. D'écouter Zurung avec la pièce titre de son nouvel album Trou Noir ici à la Chance au coureur et on écoute tout de suite une deuxième pièce. Voici 7h30 AM sur C'est Fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Pièce de Zurung. Ah, c'est super bon, ça. Ah, Trou Noir est le nom de l'album, 7h30 du matin. C'est génial. Quand tu te mets à tirer des boules de feu, puis il y a peut-être des scènes, puis des petits blocs comme ça dans ma rue, ça te fait bien plaisir. Tantôt, j'ai dit que... On va se renseigner dans quelques secondes sur Zurung. Mais tantôt, j'ai dit qu'Anaëlle était partie à l'île de la Réunion voir sa famille. ça m'a donné envie de parler un petit peu de l'île de la Réunion, juste comme ça. La Réunion, telle qu'on l'appelle, c'est une île de formation volcanique de l'océan Indien dans l'archipel des Mascareignes. C'est à environ 700 km à l'est de Madagascar et à 200 km au sud-ouest de l'île Maurice. Ils ont plus de 800 000 habitants d'origine africaine, européenne et asiatique, souvent très métissés. On l'appelle l'île Intense et ça offre des paysages naturels au relief impressionnant et une diversité culturelle qui constitue ses principaux atouts touristiques. On les appelle les Réunionnais. Langue officielle, c'est le français ou encore une langue régionale qui s'appelle le créole réunionnais. Leur fuseau horaire, c'est temps universel plus 4 et leur domaine internet, c'est .re. Voilà, j'ai fait le tour de la Réunion. Très belle place. Et c'est là qu'elle est. Il sera de retour la semaine prochaine pour ceux qui n'en peuvent plus d'attendre. Mais parlons un petit peu de Zouroum qu'on vient d'entendre. C'est du hip-hop expérimental électro. Ils viennent de Montréal, au Canada. Site web zouroum.com, Z-U-H-R-U-M-G.com. Et sinon, zouroum.com. En fait, il y a un seul membre, et c'est Zouroum à la musique et à la voix. Donc, c'est pas une formation, mais plus un artiste. L'album Trou Noir est en vente chez les disquaires L'Oblique à Montréal et sur bluetracks.ca sur Internet. Vous pouvez voir une longue biographie de Zouroum sur le myspace.com/Zouroum. Très intéressant. Voilà, j'ai bien aimé ça. C'est une des choses que j'ai aimé cette semaine. Évidemment, d'ici la fin de l'émission, on va couronner, comme toujours, le coureur de la semaine. Continuons avec un autre artiste qui doit être complètement différent. L'album s'appelle Groupe de Rock et le nom de la formation, c'est Peter Paul. Ou en tout cas, au moins le membre principal. Paroles et musique, Peter Paul. Et guitare et voix, Peter Paul. Bass, David Valentine. Batterie, Dominique Morancy. On va entendre une pièce 2 qui s'appelle Paradoxal. Peter Paul a la chance au coureur. Yeah! drapeau de Peter Paul et son groupe de rock à la chance au coureur. Juste avant, c'était la pièce paradoxale toujours de cet album-là. Donc, ben, parlons un petit peu de Peter Paul qui nous propose un rock francophone original, paradoxalement brutal et sympathique. Selon son site internet qui est au peterpaulrock.com, violent quand même. Sa musique rentre dedans, saura satisfaire un public friand de musique émergente par ses influences rock, grunge, parfois metal et peut-être même jazz. Voilà, Peter Paul, et il y a une citation sur le site qui dit « Hostie que c'est bon du Peter Paul et son groupe de rock ». Et ça, c'est soit Freud, soit Descartes, soit Newton ou soit Platon qui a dit ça. On s'en rappelle plus trop, mais quelqu'un l'a dit. Vous pouvez aller voir, donc, comme je disais, peterpaulrock.com pour aller télécharger des pièces telles que Le Crapaud, Crossé et Paradoxal. J'ai entendu dire que la pièce, je crois que ça doit être la pièce Crossé, qui est un petit peu vulgaire, disons, Peter Paul. C'est tendance en ce moment d'être vulgaire dans le rock, on dirait. Le rock francophone et rock entre guillemets. Voilà qui fait le tour de Peter Paul. Tiens, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Tantôt, plus tard dans l'émission, on va avoir un paquet de belles surprises. J'ai reçu depuis les dernières minutes, dans un mini-camion de dernière seconde, comme ça, le nouvel album, mon Dieu, de Peter, Bjorn and John. C'est absolument excellent. Il faut absolument rester là pour la pièce Young Folks que je vais passer tantôt. Ça va être magnifique. On a aussi du De Vert. Et puis, voilà. Mais tout de suite, ce qu'on va faire, c'est entendre du Moussette. L'album s'appelle Reste en lumière. On a une mini-biographie de Moussette ici, un document de presse qu'on nous a envoyé. C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir le nouvel album de Moussette intitulé « Reste en lumière ». Quelque part entre les envolées pop du Loaded de Velvet Underground, le psychédélisme glam acoustique du T-Rex de T-Rex et la récente poésie terreuse de Richard Desjardins, ce CD est à la fois comme une vieille boîte à bijoux et une excursion à la nage dans la jungle amazonienne. Moussette est maintenant constitué de 6 membres. Michel Moussette, Nicolas Moussette, qu'on connaît de Avec Podcast, Joël Vaudreuil de Avec Podcast et Pierre Was an Outsider, Marc Galipeau, ex-Tragic Mulatto, Flavie Boucher, ex-choriste d'Ève Cournoyer, et Pascal DJ de la formation Le Nom. Au cours des dernières années, le groupe s'est entre autres produit en compagnie des groupes suivants, Ève Cournoyer, Avec Podcast, The Hot Springs, qu'on adore, et Bivouac, qu'on va entendre un petit peu plus tard. D'ailleurs, un autre groupe très, très intéressant qu'on a reçu cette semaine, ça va être génial. L'album Reste en lumière est présentement disponible commercialement dans les chaînes et boutiques suivantes. Archambault Musique, sur archambault.ca, Renaud Bré, L'Oblique, Atom Art, Le Subalterne, Sion, Le Disquaire et Cheap Thrills. Donc, si vous voulez plus d'informations sur Moussette, allez voir myspace.com/TheMoussette. De T-H-E, Moussette, de S-2-T. Tout de suite, voici Roche Brune. À la chance, au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous au 89.1 FM. C'est fou. Roche Brune sont peintes couleur or. Thank you. Écoutez le nouvel album de la formation folk rock surf psychédélique Moussette. Voici une deuxième pièce, c'est Carré grandissant à la chance, au courage. Et jusqu'à maintenant, à la chance au coureur, on est vraiment, vraiment chanceux. C'est une des meilleures semaines musicales qu'on a eues jusqu'à maintenant. Voici une troisième pièce de Moussette, il mérite bien ça. Le Ground à la chance. Au coureur! Whirling faces, take your place and leave me here an inch above the ground. Sky's been tumbling, sky's been rumbling, echoes and tall mountains are the sounds, the sounds. Never to come home, April's when you stole. te couvre de patates fraîches. Penses-tu pouvoir me ramener? Et le Ground, une troisième pièce de l'album Reste en lumière qui vient tout juste de nous être envoyée ici à C'est fou 89.fm. Tantôt, on a parlé un petit peu de Moussette, mais parlons-en encore. Tiens, folk rock surf psychédélique, c'est la formation Moussette qui vient de Montréal et vous pouvez les retrouver sur myspace.com/themoussette. Les membres sont Michel Moussette, Nicolas Moussette, Joël Vaudreuil, Marc Galipeau, Flavie Boucher et Pascal DJ. Allez télécharger les pièces Carré, Grandissant ou Grandissent, Le Ground, La Morte est morte et Peur du chevreuil sur leur MySpace. Passons de Moussette à Polype. Deux groupes avec des noms un petit peu similaires. Polype, Visual Progressive French Pop. Hein? Le hippie est sur le marché noir et des disquaires indie selon leur myspace.com/polype. Ils sont de Montréal au Québec. Vous pouvez les retrouver sur polype.com aussi. Tony Le Tigre à la basse, Nanette, guitare, clavier, percu et émotion. Frank Laloutre à la guitare, voix, basse, clavier, percu et joie de vivre. Pluc Le Caniche à la batterie, clavier, calculatrice et marionnette. Marionnette, bien sûr. Leurs influences de où? The Beatles, Jimi Hendrix Experience, The Flaming Lips, Radiohead, Neil Young et plusieurs autres. Vous pouvez télécharger, ou non, seulement écouter les pièces réguliers Super Humain, le soleil est loin et Wawa Génétique sur leur MySpace. Mais tout de suite, ce qu'on va entendre, c'est la pièce régulière sur la chance. Au courage, c'est pas plus compliqué que ça. Hey, restez là du bivouac tantôt, faudrait pas rater ça. Hein? Vraiment, hein? Le nouvel album éponyme de Polype avec la pièce Régulier. Et j'arrête comme ça pour vous dire qu'ils vont être en spectacle à l'Embuscade de Trois-Rivières le 28 avril. Hein, c'est bon, à 21h. Polype, tout de suite, voici Super Humain à la Chance au Coureur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas vraiment le choix de donner une troisième pièce à Polype. Pas le choix. L'album est éponyme, mais voici une troisième pièce, la balade en ascenseur à la Chance au Coureur. We'll be right back. Trois pièces de la formation Polype. La balade en ascenseur, avant ça Super Humain, au début du bloc c'était Régulier. C'est la fin de la première heure et comme on veut pas commencer tout de suite avec du bivouac et les couper, ça serait un petit peu méchant de ma part, on va attendre pour la deuxième heure avec vous. Bivouac, on va aussi entendre dans la deuxième heure du Julie Doiron, du De Verre et ce que je vais sûrement aimer beaucoup beaucoup cette semaine, Peter Bjorn and John. Génial, ça va être plus tard dans l'émission. Tout ça est bivouac, mais tout de suite, voici une quatrième pièce, ou au moins un extrait d'une quatrième pièce de la formation Polype. Je pense à qui? Tiens, je crois qu'on a même un petit peu de temps pour parler d'eux. On disait que c'était un groupe de Montréal. Vous pouvez aller voir le myspace.com/polype ou le polype.com. Polype s'écrit P-O-L-I-P-E, comme police, mais avec un P. Ils vont être en spectacle le 28 avril à 21h à l'Embuscade de Trois-Rivières, donc soyez là. Allô, ouais. Tout de suite, je pense à qui? Je pense à vous, mes chanceux. Restez là, la deuxième heure, ça revient. Mais bon, pas lire, pas lire. Hein? Un petit peu trop excité aujourd'hui, moi. Okay. C'est la deuxième heure de la chanson au courant, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou cette semaine. Regardons un petit peu ce que vous avez raté si vous n'avez pas écouté la première heure de l'émission. On a reçu un nouvel album de Nast qui s'appelle Antichambre. Ensuite, Zurung avec Trou Noir. Peter Paul avec Groupe de Rock. Ensuite, on a entendu Moussette et Reste en Lumière. Et enfin, la première heure, c'était Polype avec leur album éponyme. De l'excellent matériel qu'on a eu jusqu'à maintenant. Très bonne émission. Hein? C'est bon. Maintenant, je vous avais promis tantôt un petit peu de Bivouac, nouvel album qu'on a reçu cette semaine, album éponyme. J'ai découvert cette formation via l'émission, excellente émission du vendredi soir, qui se nomme La Dernière Porte à Gauche. Écoutez ça, c'est avec Kiwan les vendredis soirs à 20h, qui vous fait découvrir la musique francophone en émergence. Bivouac est un de ces groupes. Ils nous ont même envoyé, par gentillesse totale, les gens de ce groupe-là, ils ont envoyé une lettre et je vais vous la lire à l'instant. Bonjour, Monsieur Plante. Allô? Je vous envoie notre démo. Voici aussi quelques renseignements à propos du groupe. Donc, tiens, c'est bien ça. Au départ, Bivouac était le projet de Jérôme Gagné, guitariste et chanteur du groupe. Afin d'orchestrer ses chansons, il s'est mis à la recherche de musiciens dans son entourage. C'est ainsi que le groupe s'est formé en février 2006. Présentement, les membres de Bivouac sont Jérôme Gagné à la voix et la guitare, Patrick Boivin à la guitare, Rémi Nadeau-Aubin à la basse, Catherine Chevalier à la trompette, Francis Minot au Wurlitzer et Jean-François Minot à la batterie. En espérant pouvoir entendre notre musique sur les ondes de C'est fou. Il va falloir mettre un petit crochet à côté de ça parce que ça va être fait dans quelques secondes. On va aller entendre une pièce qui s'appelle, et attention, c'est bien une citation ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça s'appelle Hostie de Saint-Bordel de Bivouac. Et on entend ça maintenant. Ça va être très bon à la chanson coureur. Non, c'est vrai, Bivouac, c'est bon. C'est pas ça juste parce qu'ils sont fins. Là, ils sont fins pareil, mais ils sont bons aussi. Hein? Bordel de la formation Bivouac. En passant, si vous voulez aller voir les liens de tous les artistes de l'émission d'aujourd'hui, ils seront disponibles plus tard aujourd'hui sur unechance.com. Voici une deuxième pièce de Bivouac. Aujourd'hui, je suis en vie à la chanson coureur. Sans prime, point d'espoir sous l'emprise, une vie non méritée, sans un petite chose. On regarde le malheur des autres. En vacances, c'est une chose. Thank you. souvenirs. Jusqu'à présent, ça m'a bien servi. De rien avoir, ce sera moins facile. De lire mon cœur, ce soir. Pièce de bivouac. On a commencé par Hostie de Saint-Bordel. Ensuite, Aujourd'hui, je suis en vie. Et ça, c'était Fleur de peau. À la chance, au coureur. Parlons un petit peu de bivouac. C'est une formation de indie folk rock de Montréal. myspace.com/bivouac. Les membres Jérôme, Patrick, Catherine, Rémi, Jean-François et Francis. Vous pouvez écouter les pièces aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en vie. Fleur de peau, Juliette Ascarlett et Hostie de Saint-Bordel sur leur MySpace, qui va être en spectacle le 23 mars à Ottawa avec la formation André à l'Université d'Ottawa. Et le jeudi 11 janvier, ils étaient au Quai des Brumes. Donc, ça a pas l'air d'avoir beaucoup de spectacles, mais quand même, bivouac, très, très bon. Et comme je le disais tantôt, j'ai découvert ça via l'émission, l'excellente émission La Dernière Porte à Gauche, qui se passe le vendredi soir de 20h à 21h entre Les Palmarès C'est Fou et le Mephisto Show. Voilà, bivouac, j'avais hâte de l'entendre, c'est fait. Maintenant, passons à une autre formation, celle-là un petit peu plus féminine, Plasticine, avec un EP de 4 titres qui vient de l'album LP1. En fait, les pièces viennent de l'album LP1 qui est sorti en France le 12 février dernier. Vous pouvez aller les retrouver sur myspace.com/plasticine, Plasticine, S-C-I-N-E. On va entendre la pièce Loser tout de suite et puis on verra de quoi ça a l'air. Tout de suite à la chance, au coureur. Restez là pour, je l'ai dit depuis tantôt, là, mais je suis très excité d'entendre Peter Bjorn and John. Ça s'en vient juste après. À la chance, au coureur. Émission qui surfe sur les nouveautés musicales. Loser,

Et puis, ils vont être en spectacle partout en France, partout, partout. Allez voir les dates et vous pouvez entendre les pièces Loser et Lost in Translation sur leur MySpace. Leur LP 1 est sorti en février 2007 en France. Peut-être se rendra-t-il jusqu'au Québec un jour. Là, qui termine cette première moitié de l'émission, les premières, la première 1h30, disons. Au retour de la pause, on va entendre beaucoup d'anglophones. Regardons un petit peu à ma gauche ce que j'ai dans la pile. Peter Bjorn and John, on en parle depuis des heures. Ensuite, Julie Doiron avec Woke Myself Up. Et De Vert avec High Class Trauma. C'est quelques-unes des affaires qui s'en viennent dans la deuxième moitié de l'émission. Tout de suite, au retour de ces messages pour l'Amérique. And we don't care about the old folks. Peter Bjorn and John avec Young Folks du nouvel album Writer's Block à la chanson coureur. Pièce que j'adore depuis plusieurs semaines, pièce qui aurait facilement pu être le nouveau thème de l'émission si ça n'avait pas été du fait qu'il n'y a aucune version instrumentale de cette pièce-là. Il y a beaucoup de remix par contre, et même sur l'album, il y a un remix qui s'appelle Beyond the Wizard's Sleeve Reanimation qui est très très bon. Je vous le conseille fortement, c'est sur le disque bonus qui vient avec Writer's Block. Donc, Young Folks, parlons un petit peu de Peter Bjorn and John. C'est du pop indie new wave de Stockholm en Suède. C'est vrai, c'est absolument vrai. PeterBjornandJohn.com est le site. Peter Moran à la voix, à la guitare, la basse, le clavier, les percussions et l'harmonica. Bjorn Whitling ou Yitling comme producteur à la basse, chanson, clavier, percussion, guitare, cordes et arrangements. John Erickson à la batterie, chanson, chant, guitare, clavier, percussion, etc. Leurs influences, c'est l'un l'autre, ils disent dans les cas. Vous pouvez aller voir le myspace.com/PeterBjornandJohn pour entendre Young Folks, Paris 2004, The Chills et la pièce qu'on s'en va entendre dans quelques secondes à peine qui s'appelle Let's Call It Off. Hein? N'est-ce pas génial? La voici tout de suite cette pièce à la chance au coureur. Émission qui surfe sur les nouveautés musicales. C'est bon ça. We're all about each other. bien de la bonne musique aujourd'hui. Comment vais-je faire pour couronner le coureur de la semaine de cette semaine? J'en ai aucune idée. Donc, c'était pas Let's Call It Off, mais bien la pièce Paris 2004. Tout de suite, on écoute la deuxième pièce de l'album. Voici Objects of My Affection. Pièce de Peter Bjorn and John à la chance au coureur. On a entendu au début Young Folks, hein, le petit flottement là. Pensez-y, vous allez l'avoir dans la tête. Ensuite, c'était Paris 2004 et puis on a terminé par Objects of My Affection. Ça vient du nouvel album Writer's Block. Peter Bjorn and John qui sont de Stockholm en Suède. J'adore. et j'ai hâte d'écouter le reste de l'album. Ça pourrait être un de mes coureurs de la semaine. On va le couronner d'ici la fin de l'émission, comme à chaque semaine. Et si vous voulez voir les liens des artistes, téléchargez le MP3 de la balado-diffusion de l'émission. Si vous voulez voir un paquet de gens le fun, faire des affaires le fun, j'ai aucune idée. Donc, allez voir le www.unechance.com, www.unechance.com. On continue avec notre portion anglophone de l'émission, avec la formation De Verre. On le prononce De Verre, selon ce qu'on m'a dit, mais ça s'écrit De Verre. D-E-W-E-A-R-E. L'album s'appelle High Class Trauma. On va entendre cette pièce-là en quelques minutes, mais avant, voici la pièce The New Dawn, featuring Béatrice Bonifaci. À la chance, au coureur! Émission qui s'offre sur les nouveautés musicales. écoutez le son de demain. Dès aujourd'hui, c'est fou 89. Could I guess that you belong to the high class trauma? The scares of your mind look like drawings in the sand. My butt's on the wall, play junky songs on the burned clavinova. This tidal web of terror will fill me up so fast. But if you feel that soft on the way we're home, there's no need to try catching evil flies with a velvet tone. But if you feel that soft on the way we're home, there's no need to try catching evil flies with a velvet tone. Bon, avec la chômeur de Devers. Et juste avant, c'était The New Dawn featuring Béatrice Bonifaci. S'il y a la chance au coureur, allez voir myspace.com/Devers, D-E-W-E-A-R-E. C'est un groupe du Canada. Ça dit ils vivent au-dessus de l'arc-en-ciel au Canada. Devers.com. Les membres sont Frank Devers, Gabriel Aldama, Mathieu Dessy, Jo Caillé et Lydia Champagne, avec un paquet d'invités spéciaux. Hein, c'est génial. Donc, High Class Trauma, c'est le premier album de Devers enfin arrivé, c'est ce que ça dit. myspace.com/Devers, l'album est en magasin maintenant. C'est déjà la fin de la deuxième heure, malheureusement. Et encore une fois, comme on veut pas couper un artiste tel que Julie Loiron, on va la garder pour la troisième heure. Soit on va entendre tout de suite, c'est une autre pièce de Devers. Voici Too Bad. Vous écoutez La Chance au courant, l'émission qui surfe sur les nouveautés musicales au 89.1 FM. C'est fou, ça! De la chance au courant, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à ses fous depuis les 7 derniers jours. Mon nom est toujours Mathieu Plante, seul encore cette semaine parce qu'Anaël est en semaine de relâche. Elle est partie visiter sa famille à l'île de la Réunion. On s'ennuie d'elle et on la retrouvera la semaine prochaine. Donc, commençons cette troisième heure par Julie Doiron, une artiste qui est apparemment très populaire dans le Canada anglais. Au Québec, not so much, comme on dit. L'album s'appelle Woke Myself Up. On va aller entendre la pièce No More. Et puis, j'ai vraiment hâte de voir comment ça sonne, Julie Doiron, qui fait dans le folk rock comedy indie. On écoute ça maintenant à la chance au coureur, l'émission qui surfe sur les nouveautés musicales, n'est-ce pas? Not so much, not so much. No more singing in the woods, no more singing in the car, no more singing in the streets, no more singing in the bars, no more singing into your eyes, no more singing into your arms, no more singing in the air, no more singing in the park. Singing in the car, no more singing. 89.1, la seule radio musicale. Doiron et deux pièces I Woke Myself Up et puis juste avant No More à la chanson Coura. Très bon. Très bon. L'album s'appelle Woke Myself Up. Parlons un petit peu de cette Julie Doiron. Hein? Elle est canadienne. Elle fait dans le folk rock comedy indie. Et vous pouvez entendre la pièce No More sur le myspace.com/Julie Doiron. Les membres du band Herman Dunn, Snare House, Shotgun and Jaybird. Eric, je n'ai aucune idée ce que ça veut dire, c'est un texte, mais bon. Donc, Julie Doiron, très populaire dans le Canada anglais apparemment, au Québec, peut-être que ça viendra. Mais ça, ça fait, ça, je sais pas, une comparaison peut-être un petit peu louche, mais ça fait Joni Mitchell, quelque chose du genre. Donc voilà, c'est notre ami Julie Doiron. On passe à un autre bon gars, j'en suis certain. Il s'appelle Sondre Lerche. Son album s'appelle Phantom Punch, et puis c'est justement la pièce titre, il vient de Norvège. Il fait dans le pop indie jazz. On écoute tout de suite la pièce titre, et puis on en parle après. À la chance, au courage! Cross the red line. My tracks go tangling. Anyway, where did you become? Such a sneaky perpetrator. Strangely rebellious. You wanna feel the flames of fire. Isn't it already far to recall, feeling every generous Vous êtes assez fou. I called you because I love you so. It's reason enough, it doesn't show. Surely I could ask about things you have done. Who am I to question? Oh no, all I wanna hear is everything alright. Cause I left my mind in the airport, put thoughts in a taxi, my heart in reception. The last thing I saw was you. Au courant, deux pièces. Ça, c'était Airport Tan Reception. Juste avant, c'était Phantom Punch, la pièce titre de son nouvel album. Et maintenant, avec la surprise la plus grandiose, on accueille Danny Janvier. Yo! Yo, man, brother! Yeah. Ça va? Ben oui, toi? Bling, bling, yes, ça va très bien. Ben oui. Ben oui. On se voit plus souvent, là. Ben non, juste une petite heure, même pas par semaine. Le gars-là, il arrive à 1h30, là, fait qu'une demi-heure par semaine. Eh oui, c'est ça. C'est au ça. Moins, je suis venu te voir. Ben, t'es fin, on t'apprécie. Et vous, à la maison. Donc, et aussi, tantôt, je le disais, Annaëlle est en semaine de relâche. Elle est partie à l'île de la Réunion visiter sa famille. Ah, elle est vraiment pas chanceuse. Ben, hein, c'est triste, là. Hein? Ben, ça hey. Peut-tu être plate, être au chaud de même? Ben oui, je la plains rare. Donc, elle sera de retour la semaine prochaine. On était en train d'écouter un petit peu de Sondre Lerche qui fait dans le pop indie jazz. Il vient de Norvège. Son album est en magasin maintenant. Vous pouvez aller voir sondrelerche.com. Je vais vous l'appeler. S-O-N-D-R-E. Sondre Lerche. L-E-R-C-H-E. Et puis, voilà, qui fait le tour. Beau petit look. Ouais, ouais, c'est un look. Hein. C'est, si on veut, très dévergondé. Ouais, ouais. Hein? Très relax. Cool. D'accord, donc Sondre Lerche, ça fait le tour de ça. Prochain groupe qu'on s'en va entendre, c'est les gens de chez The Boss Hoss. L'album s'appelle Let's Go Rodeo Radio. Et ce qu'on va entendre, c'est l'intro et la pièce Rodeo Radio. Tout de suite à la chance. Au coureur. Comme dans Rodeo, Radio, Radio, Radio, Radio. Rodeo Stereo. Stereo. Allez. Rodeo Radio 101.111. I'm Randy Westwood, Rodeo Radio. Howdy, boys and girls. We got a 7 real-life cowboys today, direct from Berlin, Mississippi. And let me tell you, they're gonna knock your socks off the Boss Hoss. We jumped to the band, had a job to do the other night, quite far to go. I put a paddle to the metal at the engine rail, just had for the battery name show. We smelled like a bar hung over in the car, just trying to get a little bit of sleep. Rush just said, boys, it's 3 o'clock. No quitters on the highway to hell. Grab cigarettes, burn, the booze go round. The radio's playing our favorite sound. Rodeo, radio, MTV all the more. Rodeo, radio, more or less, you're in more. Rodeo, radio, rodeo, radio. Rodeo, radio, rodeo, rodeo, radio. Rodeo, radio. Well, the party in the van just started, boy, we still had 1 hour to go. When the cop car passed and he pulled us out, and a little fat sucker just started to shout, we don't like your kind of folks around here, so better hit the road, fuck off. So we paid our bill, put the pedal to the metal, to the moon, and when we drove off, I let the cigarette burn, the booze go round, the radio playing our favorite sound. Rodeo, radio. As the girls kept fainting in the first row, party backstage just blew our heads up. Wish that we could have a day off. Got no way next week, quite by the gold, so we hop into the van, to the pan, to the mat. Wish not like a bar hung over in the car, just trying to get a little bit of sleep. But just that point, 3 o'clock, no quitters on the highway to hell. Let the cigarettes burn, the booze go round, the radio's playing our favorite sound. Rodeo! No MTV. Nouvel album, Rodeo Radio, à la chanson au coureur. Justement, c'était la pièce titre Rodeo Radio. De Bassas, qui, on peut le deviner, fait dans le rock country rockabilly. Hein, quand même. Ils disent Cowboys from Hell. Ils viennent de Berlin, en Allemagne. Hein? Ben oui, c'est des vrai. Des cowboys allemands. C'est vrai. C'est hot. C'est fun, quand même. Vous pouvez aller les retrouver sur TheBossHoss.com, Boss, B-O-S-S, Hoss, H-O-S-S.com. Huss Power à la voix et la guitare acoustique, Boss Burns à la voix, Gus Brooks à la basse, Rusty Nail, comme dans un clou rouillé, on s'entend. Rusty Nail à la guitare électrique, Frank Doe à la batterie, Hank Doodle à la harpe et la mandoline, Ernesto Escobar de Tijuana à la percussion et le melodica. Voilà. Oh, et ils vont être en spectacle à Montréal au Café Campus le 22 mars à 20h. Là, je suis en train de me demander si l'Allemagne est vraie, mais j'imagine qu'ils sont originaires de l'Allemagne. Peut-être qu'ils n'habitent pas en Allemagne en ce moment, non. Et puis, est-ce que je vois d'autres dates près de Montréal? Il y a London, Ontario, Toronto, il y a un paquet d'autres villes. Allez voir myspace.com/TheBossHoss pour plus d'informations sur ce Ben Hand. Mais peut-être qu'ils ont juste mis Allemagne quand ils ont rempli le MySpace. Peut-être. C'est très, très possible. On ne peut pas savoir avec eux. Moi, je pourrais mettre, je ne sais pas, moi. Moi aussi, je pourrais devenir de l'Allemagne, tu sais. Ben, fais-le donc, tu devrais. Ça ferait original. Les gens t'aimeraient parce qu'ils diraient « Ah, oh, c'est le gars allemand. » Ça vient d'ailleurs. C'est original. C'est toujours meilleur quand ça vient d'ailleurs. Le gazon est toujours plus vert de l'autre côté de la clôture, c'est ça? C'est ça. Nul n'est prophète dans son pays. C'est ça que je l'ai dit. On a reçu un nouveau single de la formation The Authors. Je me rappelle qu'on avait bien aimé The Authors quand on l'avait reçu. Leur nouvelle pièce s'appelle « Where are we going? » Et c'est ce qu'on s'en va entendre. Où est-ce qu'on s'en va? Où ça? Entendre. À la chance. Entendre. À la chance, entendre. Au pouvoir. Ah, oui. Entendre. Entendre. Consonne. Et on transitionne de la formation canadienne The Otters à une formation américaine punk. Voici Disco Ensemble à la chance. Au courant. La pièce s'appelle We Might Fall Apart de leur album First Aid Kit. Et c'est très bon. Point. Vous allez voir, c'est très très bon. Ah, très original. On passe de Disco Ensemble à Sarah Shannon à la chance. Au transitionneur. Et on parle de tous ces beaux gens-là après. Hein? C'est des belles gens. Ben, elle est belle en tout cas. Ah, Mathieu. Arrête. Regarde-la, regarde. Du côté Émilie Poulin, genre. Poulin. Amélie. Song, the voice on the radio. assez frais, hein? Pour moi, c'est frais, cette journée. Olivia Newton-John, tu disais? Oui, c'était elle. Sarah Shannon. On dirait une comédie musicale. La musique de comédie musicale ou de comédie romantique. Là, oui. La toune de la fin, générée. Avec la fille, en tout cas. Donc, Sarah Shannon. Avec la fille, puis c'est ça, là, avec les cheveux. Avec des cheveux, un nez. Oui, c'était bon, ça lui était bonne. Sarah Shannon, Indie Pop de Seattle, Washington. Et puis, vous pouvez aller voir sarahshannon.com, Shannon avec deux N. Membre du band Katie Freeze, Sonny Votolato, Paul Puglis, Adam Freem et Sarah Nelson. Super. Oui, l'étiquette, c'est Minty Fresh. Tu disais que c'était frais, tantôt? C'est frais. Minty Fresh. Allez entendre la pièce qu'on vient tout juste d'entendre, City Morning Song, sur son MySpace, au bar oblique Sarah Shannon Music. Voilà, ça c'est pour Sarah Shannon. Prochain groupe qu'on s'en va entendre, c'est The Fussy Part. C'est un band canadien, leur album s'appelle Ben EP. Et voici tout de suite la pièce Dog Food Tom à la chance. Au coureur. Oh yeah! Ça qui est pas naturel dans comédie musicale, c'est que tu commences à parler, après ça tu commences à chanter, puis tu reviens, ça fait bizarre. C'est comme si tout le monde savait jouer. Ouais. C'est Louis-Fred. Ben, c'est parce qu'il laisse revenger de dire bien au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas juste la scrap. Ben non, regardez-moi ça, il n'y a pas juste la scrap, il y a The Fussy Part, un groupe du Nouveau-Brunswick. On écoute tout de suite une deuxième pièce qui se nomme Unmanaged à la chance. Au Nouveau-Brunswick, quoi? C'est le même qu'on les appelle? Ben, Néo-Brunswick. Ouais, mais moi. Et Néo-Brunch. Moi, quand tu dépasses trois syllabes, je comprends plus. Thank you. Voilà une deuxième pièce de la formation de Fosse Part du Nouveau-Brunswick, des Néo-Brunswickais, comme on a appris. Néo-Brunswick. Quoi, que c'est ça? C'est ça que c'est toi-même qui l'a donné. C'est bon. On manage les noms de la pièce. C'est un EP, il s'appelle le Ben EP. On espère recevoir un album complet parce que c'est très bon. On a écouté un paquet de choses très bonnes aujourd'hui. Je peux penser à Zurung, à Moussette, à Polyp, à Bivouac, à Peter Bjorn and John et à De Verre. Mais prononçons tout de suite notre coureur de la semaine. J'ai vraiment de la difficulté à en trouver un parce que c'était tellement bon. Je vais y aller avec, mettons, Peter Bjorn and John. Hein, c'est raisonnable comme choix. Bon. Danny Janvier. Bonjour. Bonjour. Ben merci d'avoir été avec nous pour cette chanson coureur incroyable. C'est quelques minutes, c'est cette demi-heure. Ben oui, c'est de même. On va vite de même, on découvre des choses. C'est mieux que rien. Ben c'est vrai. Danny Janvier, on te retrouve à E3 2.0 les mercredis à 15h. Ouais. À la semaine prochaine. Salut. Anaëlle Huyez vous retrouve évidemment chaud devant la relève lundi à 11h. Elle sera de retour avec nous la semaine prochaine. On s'ennuie. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo les jeudis à midi ou les mardis à midi. La chanson coureur est diffusée en direct le vendredi à 10h et rediffusée le samedi à 17h. Et les palmarès c'est fou sont diffusés en direct à 17h le vendredi soir et en rediffusion le jeudi à 13h. Retenez tout ça et passez par le www.unechance.com pour télécharger la balado diffusion. Allez voir le lien des artistes qu'on a écoutés cette semaine. La part de Danny Janvier, Daniel Yez, de Mathieu Plante et toute l'équipe fictive de la chanson coureur. Faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance!